Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Ce mois-ci, on n'a pas chômé. En plus des histoires que vous pourrez écouter en mai, on a travaillé sur deux séries. La première est une surprise. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'elle se compose de 4 épisodes et qu'elle sera diffusée en juin et que vous allez l'adorer. La seconde n'est autre que la troisième saison d'Un été incroyable. Vous retrouverez Lana, Iliès et Arthur dans une grande aventure épique. Pour ces deux séries, on a mis les petits plats dans les grands, car elles bénéficieront d'un habillage sonore aux petits oignons avec ambiance, musique, bruitage et tout. Il reste encore un sacré paquet de travail, mais c'est ultra excitant de vous préparer tout cela. Bon, et du côté des histoires de mai, que va-t-on vous servir ? Eh bien d'abord, une toute nouvelle histoire de Véro Caso, une autrice que j'adore et qui avait écrit deux histoires au tout début du podcast. Elle revient pour vous proposer Une étrange pluie noire, une aventure en deux parties. Dans la première, vous ferez la connaissance de Ruby et Melvin, deux enfants qui, lors d'une cérémonie de mariage, vont découvrir de curieux petits nuages noirs. Vous pourrez écouter ensuite la deuxième partie de Zélie et les mythes voleuses d'encre, l'histoire que j'ai imaginée grâce à Lina. Zélie et Timmy vont-ils réussir à arrêter l'affreux Bertrand Bouc ? Vous le saurez avec cet épisode. Les abonnés du podcast auront droit à deux histoires exclusives. D'abord, celle de Thomas. Elle s'intitule « Le micro-ondes de l'espace ». Bastien dort paisiblement lorsqu'un robot micro-ondes venu d'une autre galaxie débarque dans sa chambre. C'est alors que, logiquement, Bastien va vivre une nuit bien agitée. L'autre histoire réservée aux abonnés a été écrite par Cécile. Elle s'intitule « Toujours premier ». Lucas est le meilleur élève de sa classe et se voit concurrencé par Baptiste, un habitué des mauvaises notes. Impensable et surtout impossible. Baptiste doit avoir un truc. Alors, pour en avoir le cœur net, Lucas va mener l'enquête. Voilà, vous savez tout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis Anaïs Roux et j'ai créé pour vous le podcast Neurosapiens qui a été sélectionné cette semaine par Acast pour vous être recommandé. Connaissez-vous réellement votre cerveau ? Cet outil si précieux qui vous accompagne dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Dans chaque épisode, je vous révèle des faits tous plus surprenants et incroyables les uns que les autres. D'où vient la sensation de déjà-vu ? Quel impact a votre alimentation sur votre cerveau ? D'où viennent les rêves ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on a un mot sur le bout de la langue ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et bien plus encore en écoutant Neurosapiens.